Bonjour, nous sommes sur la radio officielle de Chasse et Pêche et je vais bientôt m'interroger à mes deux compagnons pour savoir comment on pêche le merlu et savoir si c'est bon. Ah, tu es dégueulasse, Jean-Mathieu. Oh, ça va, Grégoire, Antoine, comme dit mon père, n'importe où soit le trou, l'important c'est que ça sorte. Eh bien, tout d'abord, pour répondre à notre question, la chasse au merlu s'étale sur 20 siècles, je crois. Donc, c'est depuis l'apparition de l'automobile, environ, oui. Voilà. Voilà, quand Donc, l'avion. en fait, le meilleur endroit où trouver le merlu, c'est sous les roues de voiture, bien sûr. Oui, le merlu aime la pollution. Je suis pour le Voilà. réchauffement climatique. C'est génial. Et donc, le merlu se cuisine de manière très simple. D'abord, il vous faut des Coco Pops que vous mettrez dans le postérieur de notre ami. Et aussi, il va falloir comment dire, comment vous expliquer? Voilà, il va falloir masturber le merlu, en fait. Parce que le meilleur dans le merlu, c'est bien sûr le sperme de merlu. Et oui, ça se mange en sauce à l'apéro, général sur Avec des des toasts. chips, les spermes de merlu avec des chips. Mon Dieu, que c'est bon. Ça se prend en sauce sur des toasts, un peu avec le foie gras. Avec le foie gras, j'aime bien aussi, voilà, Voilà. on peut Et rentrer dans les tout. coco pops, c'est très important. Ça relève la douceur du truc. Ensuite, pour chasser le merlu, en fait, il faut se lever à quoi? 23 heures. Ouais, Et déjà, ouais. il faut une tenue spéciale, d'abord. Eh ouais. On ne peut pas venir, on ne peut pas se présenter Slip comme ça. obligatoire, hein, les Slip boxeurs, c'est pas obligatoire, possible. voilà. Donc, pas de vêtements, que le slip, que le boxeur. Ouais, En hiver, parce qu'en été, il n'y a eh pas de ouais, merlu, il n'y a pas de sinon merlu. on leur fait peur. Il faudra des chaussures et des claquettes aussi, Mais ouais. pour les Mais elle mouvements. rétrécit pas? Non, non, non, non. Il y a en fait les bruits de claquettes, vous savez, Ça stimule le merlu, ça le voilà, ça rend plus stimule le merlu. vulnérable. Et puis, si vous avez la chance, il aura le barreau. Alors, Alors dans ce c'est. cas-là, vous tombez sur une occasion en or, achevez-le directement. Achevez-le sans pitié. Alors, pour l'achever, très facile. Très facile, prenez votre Donc, hache, toujours avoir une hache sur ouais, soi. voilà. Ensuite, levez-la en l'air, puis posez-la. Mais n'oubliez pas de chanter Happy Birthday. Chantez Happy Birthday, les mains derrière la tête. Faites sex bomb, trois fois, important. Ensuite, sautez à pieds joints, roulade avant, roulade arrière. Jacques a dit, mets les mains sur ton cul. Voilà. Voilà. Et ensuite, c'est très Et simple. ensuite, ça y est, vous pouvez Il vous l'achever. suffit d'enculer le merlu. Voilà. D'où le slip, en fait. Baissez votre slip et laissez place à Oui. l'instinct animal. Et si vous n'avez pas acheté Sex Bomb trois fois, ça ne marchera pas. Voilà, très Alors. important. Main derrière la tête, on répète. Main derrière la tête, sex bomb, on Non, inclut le merlu. c'est bon, oui. Je pense qu'il sera apte à le remettre Voilà. Donc, au si vous avez montage. d'autres questions à poser, Voilà. voilà. D'accord. Mais ça se trouve où? Alors, en fait, Ah. j'ai dit sous les roues de voiture, Sous les roues mais de sinon, voiture. Ouais, mais dans quel pays? Il y a un pays ah, voilà. particulier, une Alors, en fait, ouais, voilà, région? y a une région particulière, Liechtenstein. le Liechtenstein, Ouais, leur c'est pays très. d'origine. Et en hiver, ils viennent migrer dans les pays froids, que le Maroc, la Tunisie, l'Algérie, bien sûr. Ils sont très présents en Somalie l'hiver également. Voilà. Donc voilà, voilà. Voilà. Donc voilà. D'accord, et messieurs Grégoire Antoine. Grégoire Grégoire Antoine, Antoine. je voudrais savoir à quoi vous servez exactement parce que monsieur Oh est ben moi je suis un peu indispensable hein, pour c'est un peu Jean-Mathieu. la boniche en fait. Non, je suis indispensable en fait. Si vous voulez, c'est moi qui lui brosse les dents le matin, je lui Voilà. amène le petit déj, je lui Voilà. cire les chaussures, je vais lui Voilà. acheter ses chewing-gums. Voilà. Je fais pas Il mal faut de me choses changer les pour lui, slips quand j'ai des ouais fuites. également. Je lui Voilà. change la couche, Voilà. Voilà. c'est un peu mon fils en quelque sorte. Hein. Non, pas du tout. Bon, d'accord. Voilà. Va serrer les chaussures. Ok. Casse-toi. Gentil. Casse-toi! Ok. Au revoir, messieurs. Voilà. Grégoire, Mathieu. Alors, voilà. Donc, comme il vous le disait, il est assez inutile. C'est le fils de mon cousin. Donc, je le prends sous mon aile, en fait, en quelque sorte. Et voilà, si vous avez d'autres questions à poser, je suis à votre service. Alors oui, j'ai une autre question. Vous faites quoi ce soir? Et alors le merlu se chasse dans les forêts. Oui, mais ce soir. Ce soir, il n'y en aura pas de merlu. Hein, j'ai 40 merlus qui m'attendent chez moi, je dois les cuisiner, donc je dois tous les masturber. Ah d'accord, c'est un peu comme les femmes en fait, les merlus. Oui, enfin, oui, si on veut, voilà. Bon, écoutez, monsieur, si vous n'avez pas d'autres questions plus intéressantes, je vais vous laisser tout seul. Au revoir, monsieur. Tout seul? Tout seul, monsieur. Mais il n'y a personne d'autre dans le studio. Exactement. Ça pourrait s'arranger. Mais Non. dites. Laisse-moi tranquille. Mais pourquoi? Laisse-moi tranquille. J'aime les merlus. Ben, je suis un merlu. Laisse-moi, En quelque pervers sorte. sexuel. Non. Salut, c'est Darius. Vous êtes sur Freeze Radio. Il n'y a pas Cusco pour l'instant. Pendant 30 minutes, vous êtes sans Cusco. Il Où n'y est aura que Logan et l'intro? Darius. Voilà, que Logan et Darius pendant. Jusqu'à. Ben pour vous, on va se filer une petite musique dans les fesses. À peu près un quart d'heure le temps qu'il fasse sa radio, c'est ça? Voilà, il va faire sa radio des droits, en fait. Quelle merde. Donc, nous allons commencer avec l'actu ciné. Puis, vous aurez le Kama Sutra. Oui, le Kama Sutra. Vous Là, avez on bien. attend Cusco pour le Kama On Sutra ou on attendra fait. Cusco pour le Kama Sutra. On va faire l'actu ciné. Puis vous aurez. On va faire l'actu ciné jusqu'à ce qu'ils reviennent environ. Ensuite, on aura place au canular téléphonique, bien sûr, qui marche du feu de Dieu. Et oui, c'est mythique ça quand même. Hein. C'est mythique. C'est ce qui fait que nous. On rigole bien. Voilà. Alors, tout d'abord, je tiens à parler aux fans de Twilight qui doivent savoir que la bande-annonce de Twilight est désormais disponible sur la toile. À savoir, toile, ça veut dire ordinateur. Toile, ordinateur. Je vois pas le rapport. Il n'y en a pas. Ah, d'accord. Ensuite, cette semaine, nous avons la sortie de l'arnaqueur Bad Lieutenant Escalade à la Nouvelle-Orléans, blanc comme neige. Bush Palladium, Soul Kitchen, mesure exceptionnelle. La révélation, nous trois, le temps de la kermesse est terminé. Après, c'est des films de merde. Après, c'est... Ah non, il y a un deuxième bas de lieutenant. En fait, il y a un vieux Bad Lieutenant qui ressort au cinéma avec Harvey Keitel qui jouait dans Reservoir Dogs, Ouais. Benjamin Gates. Donc, si vous avez un film à voir cette semaine, pour l'instant, il s'agirait plutôt de L'Arnaqueur, puisque c'est lui qui apparemment est vachement bien selon Studio Première Figaro, je crois. Je ne sais plus. Gros blanc. Gros blanc, parce que je cherchais ce que c'était. Et la rafle est toujours au cinéma. La rafle est toujours au cinéma, donc si vous voulez aller le voir, éclatez-vous bien. Donc on va refermer cette page de cinéma. Avec Cusco qui est revenu, qui est là. Motherfuck. Elle a fini de tirer les chaussures. Qui a fini de tirer les chaussures. Ouais, mais le mec il a marché dans la merde aussi, Donc, sans déconner. tu vas nous parler De mon cours de guitare. Dans le cours de Qu'est-ce qu'il y guitare. a eu, j'ai pas entendu. J'allais dire Kama Sutra, mais c'est la femme de ménage. Oh, bah on s'en fout, on parle de Kama Sutra quand même, hein. Bah, moi, femme de ménage, je lui dis, je te pète le cul. Hein. Ah ouais? Non, je suis arrivé, je lui dis, oh, j'ai envie de lui péter le cul à ma prof d'anglais. Ah ouais, t'as dit ça? Ouais. Et elle a dit, tu as raison, l'école, ça sert à rien. Ok. Moi, t'as rien pensé, je lui dis, bah ouais, je comprends. Bon, donc nous allons parler de ton cours de guitare. Vous voulez qu'on parle de mon cours de guitare? Parle-nous de ton cours de guitare, tu nous en parlais tout à Ok. l'heure. Alors, mon premier cours de guitare. J'ai rien avec ma guitare qui n'est pas la mienne d'ailleurs. Elle est à qui? Mais je sais plus. Je crois qu'elle est à mon Film tonton. acheté. Elle est à mon tonton. Et voilà, donc je suis arrivé avec ma guitare d'occasion et tout. Tout le monde était là avec leurs écouteurs, ils faisaient des Ah, vous trucs étiez de guitare plusieurs? déchirée et tout. Ouais. Tout le monde était là, ils faisaient ouais, regarde, je remonte en pull-off sur la do et tout. Machin, je faisais, alors c'est laquelle la do? Ça veut dire quoi pull-off et tout. Alors voilà, puis après, le prof il arrive, je lui dis bonjour, il me dit comment tu t'appelles. Je lui dis, je m'appelle Arthur. Et là, truc de malade se produit. Il me dit, ok, alors tu prends ta Vibes, tu mets en collerette, tu remontes en pull-off sur la ré. Je lui dis, j'ai regardé, j'ai fait. Quoi? Bah, tu le mets en Vibes, tu le montes sur Vibes. Et tu vois, et là, j'avais l'impression d'avoir un Américain en face de moi, alors qu'en fait, après, c'est de Il la s'appelait merde. Bernard. Pendant tout le long, il m'a fait, ok. Alors tu vois ça? Ça c'est un do. Et Il après pour t'a un... pris pour un Ouais prison. voilà. Et après m'a pris pour un demeuré, en fait j'aurais dû faire ah ouais le pull-off sur le Ça sunlight. ne fait J'aurais fait. J'aurais fait. Non, t'aurais fait. Ah merde. Ouais, Logan qui fait de la guitare, c'est quoi un pull-off? Tu sais Je t'ai pas? déjà dit que je ne savais pas. Ah ok. Pull off. Et un hammer? Mais ta gueule. Ta gueule, il a tous son lexique. C'est quoi un fighter? Un standard. Et un motherfucker, c'est quoi? Mais ça se trouve, ça c'est les cours de débutants. Après, ils sont là. Et dans les cours de professionnels, alors vous allez faire un standard sur le dunster. Ouais. Vous allez commencer par un flitter. Puis après, vous finirez sur le dance floor. Sur un cluster. Et ils font OK. Ils font OK. Damn, on a un. Et ils font OK. Ding. Je savais pas qu'il y avait. Ah ouais, sinon le mec aussi m'a montré, t'as vu les trucs que tu tapes et après t'entends la piano? Non. Non bon bref, c'est pas grave. Un truc qui ressemble un peu comme un aimant là, qui est comme ça. Un métronome. Non, pas un métronome. Allez. C'est pas grave. C'est pas. Lance-toi Darius, lance-toi. Un aimant. Non. Ouais. Le truc que tu fais ça, tu le tapes n'importe où, puis après ça fait la. La. Ça fait un la. Ça non, mec, non, ça mec, tu le tapes, il fait la. Non, non, ça fait la. T'as mal ou la, la, la. Tu le tapes, il fait la, la. C'est un petit taïwanais. En fait, le mec à côté, il t'a fait la. En fait, c'est le mec à côté, il arrive. La. Tu sais, la clarinette, quand je faisais la flûte traversière là. Tu devais chanter, c'était trop chiant. Tu aurais connu. Chanter ouais, en faisant la flûte, comment tu fais? La gueule, je faisais pas du beatbox. Non, mais ils te disaient chante par exemple, ils te disaient. Ah oui, chanter les notes. C'est chiant, ils sont là, ils te font. La, la. Toi, tu fais exactement pareil, tu fais. La, dis, non. Non. Ah oui, la. Ça c'est la Starac, il ouais, bon. La Starac, tu sais, le mec il fait. Non, sûrement le do. Le mec il fait. Do. Non. Do. Non, non, pas comme ça, plus grave, plus grave. Do. Non, non. Après, là c'est le prof qui parle, il fait. Non, fais-moi ça. Do. Le mec il fait, bah ouais, c'est ce que je fais. Non, non, non, c'est pas vrai. Et après il fait do, il fait, voilà, c'est parfait. C'est ce que je fais depuis le début. Trop bon. Et ouais, rêve intime à Marseille. Intime. Ah, ça fait rêver, hein. Ça fait rêver les rêves intimes. Ça fait rêver les rêves intimes. Ça fait rêver les. X-Mini Store, c'est quoi? Putain, tu vas vomir. Mais non, j'ai roté, connard. Ah, excuse-moi. Just Cause 2, c'est vraiment la bombe. Voilà. Donc on parle d'un jeu. Just Cause 2, donc on y a joué avec Ousko, on y a testé. Ah non, bah c'est parfait. Avec Logan. Donc je vous parlais de Just Cause 2 qui sortira le 26 mars exactement. Et Logan y a joué. Donc Logan, parle-nous un peu de ta prise en main avec ce jeu. C'est sur Xbox. C'est un peu que t'as joué qui au début, mais après c'était la bombe. Voilà, il faut savoir prendre en main. Les graphismes magnifiques. Un gameplay magnifique. Jetez-vous dessus. Allez-y. Ça fait ton genre plaisir. En plus. Celle qu'il a fait, elle est trop bonne. Non, c'est un mec. C'est David Craig. David Craig. Non, je sais pas. Non, j'ai dit ça au hasard. Non, mais non, c'est que là, tu dois. Allons chercher qui est David Craig sur Google. Ouais, vas-y. David Craig. C'est le black, non? Oh! Non, c'est Daniel Craig. Bah là, ils ont mis David Craig. Voilà. Non, il est. Non, c'est Craig David, voilà. Peut-être qu'il a celui qui chantait Monday, Saturday, Sunday. Ah ouais? Ouais. Putain, en tout cas, il est pas beau, hein. Il y a des macarons sur la tête un peu, tu l'as vu? Ouais, c'est les blacks, des fois ils ont des coiffures comme ça. Des macarons, des dreadlocks. Tu as pourtant, si un blanc fait des dreadlocks, ça sera pas beau. Hein. Ah ouais, c'est vrai. C'est comme si... Bon, j'allais dire quelque chose, mais je ne le dirai pas. Vas-y, dis-nous. Voilà. C'est non, comme non. Si un chinois se teignait les cheveux en blond, c'est ça? Non, non. Comme coquette. C'est... Chulos. C'est un mec, il avait les cheveux... On dirait des churros de la night. Allez, on va s'écouter une petite musique. On va s'écouter, je t'en prie, parle-nous un peu de cette musique. Toujours la même? Ben, on l'a pas passé depuis tout à l'heure. Ah, vous l'avez pas passé? Ah, oh. Et ben je vais vous dire ce que c'est. Alors ça s'appelle A Soul Sister. Je vous le redis avec l'accent. C'est de Train. Et apparemment c'est vachement écouté aux États-Unis. Alors si vous avez un voyage prochainement aux USA, et ben écoutez-la et vous allez... Au moins, ben, vous passerez pas pour des gros demeurés aux USA. Voilà. Allez. Et après, on s'écoutera Break Even de Script. The Script. Allez, on se retrouve juste après ça. Gardez la foi. On se retrouve après ça. Soul Sister, Train. C'est bon retour après nous, après créer une Soul Sister, on va parler Kama Sutra de la fessière. On va parler de Kama Sutra de la fessière. De la fessière. Mexicanos. El tacos. Ah, t'imagines une position s'appelle El tacos. De los burritos. Los burritos de la masa. La position du tacos. Rentrez son burrito dans le bocamol. Saviez-vous qu'en 1924 et voilà, halluciné. Voilà. Et voilà. Voilà. On va parler, on va faire les appels téléphoniques, quoi. Ok. Allez, on est parti dans notre truc. Ok. Et après, on sera. Page jaune. Pagejaune.fr. Tu te rappelles la pub de Page jaune où il y avait les mecs qui venaient et tu faisais. Où tu faisais, oh, ouais, j'ai envie d'une piscine. 944, piscine. Ah ouais, tu te rappelles? Je me rappelle ça, ouais. Ouais, voilà, ouais. Mais c'est trop chiant. Pourquoi? Parce que, voilà. Maintenant, non, c'est. Magasin 2. Maintenant, c'est. Magasin 2. C'est l'homme préhistorique, là. Magasin 2. Des œufs. Des œufs. Ah non, ah, ouais. Magasin des œufs ou sex shop? Ah. Sex shop, on cherche le vibromasseur Pengu. My Pengu. Ok, faut savoir que là, coucou gueule alors qu'il y a tout le monde chez moi. Voilà, il y a sa mamie. Non, déjà, on essaie de faire les œufs, ça peut être marrant. Sauf que le mercredi, tout est ouvert. Ah ouais, tout magasin. La MAF. Pourquoi la MAF? Je sais pas, il y avait marqué. Ah, la MAF. La MAF. La MAF. Alors, la MAF. Élevage de volaille et de lapin. Ouais, vas-y, volaille et lapin. C'est un bon. Oh, Félix Piat. Ah oui, putain, je vais trop tenir là. Là, si on le fait, je vais. Jess 21, Jess. Je sais pas, parce que moi, je suis vachement euphorique là. Je sens que je vais rigoler pour un rire. 0-4. Prends lequel n'importe. Pas Félix Piat. Mérabé, déjà la dernière fois. Oui, Félix Piat. Ah non, merde. Élevage de faux-trière. Attends, mais faux-trière, c'est quoi? C'est quoi? Ah non, de la faux-trière, ok, c'est bon. Ah ouais. Hop, alors, check. Je prépare mentalement, il met le coussin à ma terre, je me retrouvais tout seul. Quoi? Avec sa téléphonie. Ouais, c'est sa téléphone, non? Ah non. Non, mec. T'es sûr que tu as appelé bon? Ouais, ouais. Allô? Oui, bonjour. Allô? Allô, madame? Oui, bonjour, monsieur. Oui, bonjour, voilà. Alors, écoutez, j'habite... Allô? Oui. Oui, madame, alors écoutez... J'habite boulevard de Vauban, à côté de chez vous, je suis votre voisin en quelque sorte. Et je reçois régulièrement n'importe des... quoi. Mais attends, mais dis-leur, c'est n'importe quoi, madame. On reçoit des œufs, vous nous envoyez des œufs, c'est vous? Je écoutez, madame, voilà, en fait, on habite... Voilà, écoutez, madame, si vous voulez être gentil, c'est pas avec nous, madame. Moi, je suis désolé, j'en ai marre claque de vous. Cassez-vous! Qu'est-ce qu'elle a dit? Si vous voulez parler, c'est gentiment. Si vous parlez, c'est gentiment, clairement. Motherfucker! Putain, on a rigolé comme des cons. Là. Ah ouais, non, mais carrément alors. Ah là! Attends, il faut trop qu'on tombe chez des paysans, voilà. Ah ouais. Mais c'est une adresse, un ça? Truc, c'est une adresse? Il y a un trou inconnu. Louclo. Claux. Louclaux. Louclox. Ouais, viens, magasin œuf, mais tu mets pas de ville. Après, non, c'est obligé, il faut être obligé. Mais une ville. Orléans, voilà, Orléans. Oh bravo, monsieur Logan. Voilà, il y a JBA, une réponse. Fromagerie bien, et je sens que ça pue jusqu'à chez moi. 02. Le grand parc. Bon, toi, tu fais le mec qui parle clairement. Gilbert. Toi, tu fais le mec genre poli, sympa et tout. Puis moi, j'arrive et je fais écoutez, madame, et je commence à gueuler. Écoutez, madame, c'est quoi ce bordel? Voilà, ok, je fais ça. C'est quel numéro tu veux? Moi je veux. Mais Uber Couvard, voilà. Putain, parfait. Ah non, c'est le grand parc. Ah merde. Putain, centre commercial, je peux pas. Mais non, quoi, centre commercial? Parce qu'on peut pas dire j'habite dans le centre commercial. Ouais. J'habite dans le centre commercial, j'appelle SDF, comme on dit. Oise, voilà, il y a une ville, c'est Oise. Non, c'est un département. Ben voilà, très bien. Voulaille et gibier. Hop. Sérieux, on aurait dû faire des départements dès le début. Hein. Ferme, 8 bornes, 2 chemin royal. Oui, j'habite dans le même chemin que vous. Le compteur du frais. La commande de rue Henri Saint-Clair. Où ça, la commanderie? Bon, je téléphone auquel? Le compteur du frais. Le comptoir du frais? Ouais. Ok. 03, c'est quoi ce numéro? On est où, là, en fait? C'est quel pays, ça? C'est quelle ville? C'est l'Oise. C'est Verneuil en halate. Pour te dire, allez, comme les gens, c'est des j'appelle paysans. Y aller au parleur. Au okay. parleur, c'est bon ça. Tu commences. Vas-y, on est sur lequel là? Celui-là? Rapproche-toi du micro un peu. En mix. Oui, bonjour madame. J'habite à Verneuil en halate. Oui. Pas loin de chez vous. Et c'était pour vous dire que je reçois régulièrement des œufs à mes fenêtres. Donc ma femme en a marre et je tenais à vous signaler ça. Attendez, madame, voilà, je suis un ami, je vis chez lui depuis quelques jours et on reçoit des œufs tous les soirs. Ouais. Eh ben c'est vous, madame, je crois, parce que vous vendez des œufs, non? Ouais. Ben, c'est vous. Ah oui, c'est moi. Oui. Voilà, donc pardon. Oui, c'est moi, oui. Donc, pardon. J'ai dit pardon, j'ai raconté. T'as dit un bâtard, tu dis ma femme. Alors, comment tu veux que j'arrive? Comment tu veux que j'arrive? Ouais, franchement. Je veux que j'arrive comme ça, moi. Ah ouais? Mais ouais. Allez, Lyon. Non, Lyon, c'est pas des paysans. La femme était chaude, elle a fait oui, c'est moi, oui. Ça se trouve, elle envoie vraiment des yeux au voisin. Non, elle rigolait. Dis-moi, oui, c'est moi. Il faudrait un truc de paumé. Bah, alors, on leur balance une musique et on va chercher un truc de paumé. Ouais, on va chercher un truc de paumé. Hop, alors, on se balance musique. Break Even de The Script. Et on se retrouve juste après ça. On va chercher un coin de paumé. Voilà, c'est assez court comme partie, mais la seconde sera meilleure. Non, la troisième. La seconde. Ouais, voilà, la troisième. Fais pas chier. On se retrouve juste après Break Even de The Script. Don't believe in, 'cause I got time while she got freedom. 'Cause when a heart breaks, no, it don't break even. Her best days will be some of my worst. She finally met a man that's gonna put her first. While I'm wide awake, she's no trouble sleeping. Heartbreaks, no, it don't break even, even, no. What am I supposed to do when the best part of me was always you, man? What am I supposed to say when I'm all choked up that you're okay? I'm falling to pieces, yeah. I'm falling to pieces. Bad things happen for a reason, but no wild words gonna stop the bleeding. 'Cause she's moved on while I'm still grieving. And when her heart breaks, no, it don't break even. Freedom. happens when a heart breaks. No, it don't break. No, it don't break. No, it don't break even. No. What am I gonna do when the best part of me goes to you? What am I supposed to say when I'm all choked up that you're okay? C'était quoi les producteurs du Laura Gay à comment ça s'appelle Ressac sur l'Empi. Ressac sur l'Empi, voilà. Voilà, personne ne connaît. Rue Boris Vian. Non, je connais, c'est je vrai? Connais. C'est pas vrai. Genre, je te jure que je connais ces sacs. Je te jure, tu sais où c'est, je suis parti en vacances. On est pas à Cessac là, on est. Non, mais non, si, si, là c'est à Cessac. Voilà. Non, je sais exactement où c'est. Je te parie qu'il y a un VVF à Cessac. Hein? Ouais, vas-y. On va voir tout de suite. Hein. Il y a un VVF à Cessac. Vas-y. T'es content, tu veux parier quoi? Ouais. Je rigole s'il y en a pas. S'il y en a pas, VVF, je te sac. Non, mais je suis sûr qu'il y en a un. C'est un. Voilà, VVF Village. Merci. Avenue de la Liberté. C'est où? Et c'est assez ça. Putain, sur toute la carte de France, il a failli que tu tombes sur un truc que tu connaissais. Putain. Bon, on s'en bat les couilles, on marche. Putain, sans déconner, je connais ce trou paumé. Montréal. Montréal. Bon, j'appelle ou pas? Montréal est à 9,7 km. J'appelle ou pas? Ouais, vas-y, appelle. Montréal, c'est là. Il y a une ville qui s'appelle Montréal. C'est moi. C'est bon, ta gueule. Si je réponds pas, on se réponds pas le space. Oui, voilà, bonjour monsieur, je vous appelle car j'habite juste à côté de chez vous, rue Boris Vian, pardon. Et voilà, ce qui m'arrive, c'est que je reçois des œufs la nuit. Monsieur, mon frère et moi, on habite à côté du VVF. On reçoit des œufs régulièrement la nuit. On n'en peut plus, monsieur. Oui. Voilà, et donc on pense que c'est vous. Voilà. Et vous, pardon? Et on pense que c'est vous, monsieur. Alors, attendez, expliquez-moi parce que j'entends voilà, pas bien le téléphone. Hein. D'accord. En fait, on habite à côté de chez vous et on reçoit des œufs régulièrement à nos fenêtres. Des œufs? Ouais. Ah, ah ben si, monsieur, c'est un fait, hein, je suis désolé. Mais monsieur. Mais vous habitez où là? À côté du VVF. Rue Boris Vian. Mais je suis à Cessac là. Eh ben oui. Ben nous aussi, monsieur. Cessac. J'habite à côté de chez moi. Oui, j'habite à côté de chez vous et je reçois des œufs, monsieur. Mais je suis à la ferme du Loranier là. Oui, ben je reçois des œufs à côté de chez vous. Pardon? Vous êtes de l'autre côté de l'Halloween, c'est ça? Ouais. Bah, écoutez, moi j'étais de là. Hein. Je ne sais pas pourquoi je vous enverrai des œufs, quoi. Non, mais ouais, moi non plus, monsieur. Non plus, hein. Bah, écoutez, monsieur. Non, voilà, on vous appelait juste pour faire. Vous excusez, et puis on n'en parle plus. Ouais, d'accord. Bah, excusez-vous, monsieur, je vous en prie. Je m'excuse, monsieur. Non, ah, je m'excuse, monsieur, bordel. C'est pas compliqué. Vous êtes trompé de numéro. Ah non, monsieur, non, c'est non, sac. C'est sac. C'est sac, rue Boris Vian, les producteurs du Laura Gay. Vous êtes du Laura Gay. Oui. Eh ben, vous nous envoyez des œufs, monsieur. Attendez, je ne suis pas. Je ne veux pas vous envoyer des œufs, j'ai le magasin plein. Ben, voilà, justement, vous avez plein de munitions. Un simple, je m'excuse, monsieur, suffira. Ah, voilà. Bah, écoutez, merci beaucoup. Et puis si ça se reproduit, on vous... Si ça se reproduit, vous aurez affaire à moi, monsieur. Hein. D'accord. Voilà. Démon. Allez, au revoir, monsieur. Au revoir. que ça ne se reproduise plus. Ayez un œil sur vos gamins désormais. J'ai encore du forfait. Oh, on a tenu longtemps. Et on a réussi à le faire s'excuser. Ouais. On a réussi à s'excuser. Il a fait, bah oui, bah excusez-moi. Moi, je suis au téléphone, j'ai dit non, mais tu peux crever, pourquoi je m'excuse? Moi, je te démonte, moi, tu me connais pas. Hein. C'est une petite comment ça, tu sais que j'habite assez sale. C'est une petite merde. C'est une petite merde. Il en reste 14 euros, ça va. Bah ouais. Oui. Pétez tous les os. Pétez-nous-os. Philippe. À Arzance, personne ne connaît. Il le faut, celui-là. Logan, tu le fais? Non, vous le faites, mais il faut que je l'écoute celui-là. Ok. Par contre, des fois, toi, quand tu parles, on sent que tu rigoles. Bah, apparemment, non, il a rien entendu. Donc, garde les coussins et puis. Ouais, voilà. Logan, quand tu rigoles, tu te mets de côté. Prends le peignoir, Logan. Prends le peignoir à côté. Ça va, prends le peignoir. Je commence, tu commences. Moi, je fais le mec énervé, toi, tu dis calme-toi, Michel. Ouais. Calme-toi, Bernard. Non, mais rapproche-toi du micro. Comment il s'appelle, le mec? Comment il s'appelle? Au téléphone, Penezou. Ah, il y a un avis président Kennedy à Marseille, en France. Peut-être qu'on a. Bon, pétez-nous. Oui, bonjour, pétez-nous-zo. Allô? Allô? Philippe. Philippe. Non, mais elle a raccroché à mon avis. Non, je crois que c'était sur la messagerie, là. Va te l'enlever, c'est un message. Le message qui dit trisomique. Pétounzo. Philippe. Pétounzo. Alors, qu'est-ce qu'on peut se faire? Ben, on change de région. Ben oui. Allez, on va se mettre à. Putain, ma mère, si elle voit le numéro. Nice. Le journal d'appel. On avait appelé à Nice, je crois. Nice. Allez. Non, faut mettre fromagerie aussi. Viens, on appelle une fromagerie. La poulette. On appelle la poulette. La poulette. Et viens, ah, c'est 04 aussi à Nice. Ouais. C'est pas clair. Viens après, on appelle un, ah oui, à Nice, on appelle un fromagerie, on dit que ça pue jusque chez nous, qu'on peut plus. Ça va, ok. Ah ouais, viens, on leur demande de déménager. Ouais, ouais. Carrément, moi je t'attaque en justice. Viens, on fait ça. Non, fromagerie, t'as. Donc, ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière, c'est une histoire vraie. Quelqu'un reçoit des œufs, nous le connaissons. C'est une merde. Il s'appelle Xavier. La poulette, bonjour. Oui, bonjour monsieur. Je suis bien chez la poulette. Oui. Bonjour monsieur, moi et mon frère nous habitons à côté de chez vous, on habite pas rue de la préfecture mais pas loin. Et on reçoit des œufs régulièrement, on en a marre monsieur. Voilà, donc si vous pouviez arrêter. Monsieur. Oui. Voilà, nous recevons des œufs monsieur. Et on pense que c'est vous. Mais n'importe quoi. On est pas de gamin, si vous savez, on est dans un magasin. Oui. Ah d'accord, ok, encore un plaisanteur. Mais attends, je voulais le garder. Je voulais trop le garder parce qu'il était énorme, mais j'arrivais pas à rigoler trop. Ah ok, encore un plaisanteur. Non. Ah n'importe quoi. Oh. Marc-Olivier Fogiel, bonsoir. Marc-Olivier Fogiel, bonsoir. Oh. Chez Alain. Non, fromagerie, allez, fromagerie. Fromagerie, on appelle. Madame, j'en peux plus, je vais vous faire déménager. Quoi, hein. Oh, il est génial. Oh, t'as vu comment il a parlé vite? Ah non, mais je comprends, c'est un corps de plaisantin. Peut-être qu'il a la ferme fromagère à Nice. Non. Pas à Nice, Marseille. Ouais, Marseille. Ça, on peut se repérer. Dans les Alpes aussi, il y en a Tarpin. Alors. Fromagerie Marou. Bataille. Attends, on peut voir ce qu'il y a. Bataille. Ah, non, non. Thibon, au royaume de la Chantilly. Il est en train de faire le numéro, Logan. Qu'est-ce que tu fous? Mais ouais, t'es trop chiant. Tu avais qu'à le retenir, hein. Remonte-le. L'art de la fromagerie. Allez, oh. Ta gueule. Quoi, ce bordel? Allez. N'importe quoi. Hein. Putain, ouais. On aurait gardé lui, on aurait eu un correcteur. Bonjour et bienvenue chez Marron Traiteur. Oh. C'est tout de suite. C'est un attrape-couillon. Ouais, moi je vais organiser une réception pour l'intermission de mon fils. Pas 34 centimes la minute. Non. Si, c'est non. Logan qui paye. Non. T'appelles le 3 là. Ouais. Oui, bonjour, je suis bien chez Marou. Oui. Oui, alors je souhaiterais organiser la bar mitzvah de mon fils. Oui. C'est. Alors, c'est... Attendez, je vais le noter, je vous demande une petite seconde. Pourquoi t'as changé de plan comme ça? Pourquoi t'as changé comme ça? Non, mais j'avais envie. Attends, non, on va chercher fête religieuse et on essaie d'appeler quelqu'un pour essayer d'organiser un truc. Ouais. Et on va essayer de faire croire ce que c'est. Ouais. Ou alors on invente un truc. Ouais, on invente une fête. Viens, on invente une fête. Le jour du saucisson. N'importe quoi. Alors vas-y. Mais ouais, il faudrait inventer une religion, ça serait bien. Wikipédia, allez, pourquoi pas. Fête, page perso orange, fête chrétienne, calendrier des fêtes religieuses. Ouais, mais on va tomber sur Noël, des machins comme ça. Alors... Fête monothéiste. La fête du Pessah. Non, attends. Fête celtique de l'Antiquité. Donc, non, fête celtique de l'Antiquité, ouais, on est sûr carrément, que ça. Carrément. Comme ça, en plus, on est sûr que ça touche personne. Putain, regarde le calendrier, regarde la gueule du calendrier. Fête religieuse celtique. Le Samhain, qui a lieu le 1er novembre. Non, c'est trop loin, là. Non. Le 1er février, Imbolc. Les razzias. Le 1er mai, le Belten. Allez, Belten le 1er mai. Belten, motherfucker. Putain, c'est longtemps le 1er mai, y'a pas plus près. Ah, voilà, lors de la nuit du 30 avril au 1er mai. Parfait. C'est leur réveillon. Putain, t'as pété au point. On était dans le truc de lui pète. Bon, allez, survivance. Mais oui, mais tu vois que j'appelle qui là? Survivance. Attends, là, on va faire organisation de fête. Ouais. Ouah, ça pue. C'est dégueulasse. Si on arrive à faire croire que. Tu peux parler, toi. Ah ouais, carrément. Organisation de fête, ça existe, c'est pas trop vague. Ah, location de salle, entrepreneur et producteur de spectacle. Sonorisation, éclairage, animation artistique. Je coche. Voilà, très bien. Si on arrive à faire viens, ça. Viens, on loue des. Je voudrais la cervelle, s'il vous plaît. Ah putain, c'est horrible. C'est trop bon la cervelle, t'as jamais mangé? Dégueulasse. Non, c'est pas dégueulasse, c'est trop bon. Mais lui, il mangerait de la merde, tu sais pas. Il mangerait de la merde, juste pour faire le mec qui a mangé plein de trucs, il ferait, c'est trop bon. Non, mais c'est spécial. Ouais, deux fois le même numéro. Right. Allez, Provence Event. Non, c'est trop classique ça. Avenue La Rose. Oh, génial. J'habite à côté de Diderot. Mais ta gueule, Diderot, il est pas du tout à l'Avenue La Rose. Mais toi, tu m'as dit que c'était La Rose. Mais je me suis foutu ta gueule. Je me battais les couilles d'une force. Alors, la fête, c'est quoi? Attends, parce qu'il me pose des questions dessus. Survivant. Nos bureaux sont ouverts de 9h à midi et de 14h à 18h. J'en ai rien à foutre, madame. Vous pouvez également nous laisser un message et nous vous rappellerons. Mais t'es enculé, il est 15h, ma grosse, qu'est-ce que tu fous? Ma grosse. Bon, allez, il faut qu'on vous fasse croire à quelqu'un qu'on organise Survivance. Une fête. C'est une fête qui s'appelle Survivant. Oui, c'est une fête celte, alors on prévoit des costumes médiévales et tout. Médiévaux. Ouais, il faudrait. Ouais, putain, il faut trop chercher des trucs trop chiants à trouver. Ouais, alors on voudrait des costumes médiévaux. Ça appelle. Un survivant. Un peu vous est là. Tu sais ce que c'est? De toute façon, on peut dire ce qu'on veut, ce qu'ils veulent, on n'y croit pas. Bon, on va. Lung Nazad. Lung Nazad, ok. C'est pour louer une salle, ça? C'est pourquoi? Je sais pas, c'est un truc d'animation. Ah. Oh, réponds, connasse. Tourne le téléphone, non? Le parleur, il sort de là. Ah, bon. Oh! Bonjour ou bonsoir, vous êtes bien sûr dans la messagerie de Maxime Crollier. Laissez-moi votre message. Pas chez... Maxime, tu vas te calmer, là, hein? On est pas chez toi, là. Non, sud de sonorisation. Non, mais les trucs pour les fêtes. Sunlight music. Attends, ça existe pas un truc de karaoké? DJ. Oh putain, DJ Marseille. Ouais, après, on fait, c'est pas grave si quelle stripteaseuse vienne vous peloter. Non, on va dire, il nous faudrait que vous mixiez de la musique. La musique? C'est la musique italienne, moi j'allais dire. Irlandaise. The Corrs. DJ Lionel. Non, attends, c'est un portable. C'est attends, en Angleterre, il y a que DJ Finchy. Il y a que des portables. Fun Light. Allez, vas-y. Move Like. Blame It on Boogie. JMB Animation. Pas d'amis. Jean-Marie Boissier Animation. Non, c'est que des flics, des portables. Alors, c'est chiant pour Logan. Ça peine. Location de matériel, merde. C'est pareil. Hein. Allô? On me dérange en pleine cigale. Et attends. Bon, lui, on raccroche un bâtard. JMB Animation, très bien. DJ animateur, musicien, danseur, spécialiste du mariage. Sérieux? C'est un portable, ça dérange ou pas? C'est le même prix. Hein. Ouais. C'est le même prix. Ah, il fallait me le dire, alors on appelle DJ Lionel. DJ Lionel! Oh yeah! Oh putain, ça se trouve, on va dire j'ai tenu. Ça fait de la peine quand même, DJ Lionel. Tu appelles, tu fais allo yo yo. C'est moi qui parle. Ok. C'est lui qui parle. C'est moi qui vais parler. C'est lui qui parle. Quand il répondra, je parlerai. C'est lui qui parle. Je vais parler. C'est lui qui parle. Allô? Allô, bonjour, DJ Lionel? Oui. Alors voilà, je vous appelle parce que j'ai... Allô? Oui. Oui, bonjour DJ Lionel. Oui. Oui, j'aimerais bien organiser une fête antique celte, la Lugnuzad. Et c'était pour savoir si... Allô, je vous entends pas. Oui, allô, oui, oui, je vous écoute. Ah oui, alors une fête celte antique et on a besoin d'un DJ sur Marseille, alors on pensait que... J'aurais pensé que vous seriez l'idéal. Vous pouvez me dire vos prix, s'il vous plaît? Oui, il y a encore une personne. Oh, 800-900. 800-900, ouais. Vos prix, je vais faire une tête de vie. Pardon? Je vais faire une vie de 2 minutes, s'il vous plaît. Ah, ok, ok. C'est bon, Lionel? On va se faire connaître. Allô? Oui, oui, oui, attendez 2 petites minutes. Ah, ok, ok. En tout, ça ferait 650 euros. Ok. Wow. Tout compris, c'est-à-dire tout compris l'éclairage, le déplacement et tout? Voilà, oui, oui. Bon, voilà, alors on voudrait que vous mixiez de la musique celte. Vous pourriez mixer de la musique celte, s'il vous plaît? Oui, parce qu'en fait, mes grands-parents... Alors, écoutez, moi, je suis fan de Tuatha De Danann. C'est un ancien... C'est un dieu primordial celte. Voilà. Donc, il faudrait que vous veniez habiller en druide. C'est lui qui a raccroché. Putain, on était là. Oh, putain, j'ai trop. Ses potes, ils étaient là, ils disaient ouais, 800 balles. Oh, putain, il est parti à un moment donné. Mon entendu son pote, il disait c'est trop gavé, oh. Ouais. Et lui, il disait alors attendez, je fais le devis. Putain, peut-être qu'il a. Ça m'a fait de la peine. Ouais, c'est vrai. Surtout qu'il y avait une voix de tapette un peu quand même. Hein. Allô? Putain, il faudrait qu'on arrive à organiser. C'est le même que le mec petit plaisantin. Encore des petits plaisantins. C'est-à-dire qu'on le fait chier en depuis tout à l'heure, ça veut dire. Allez, accès scène, location, vente de scène, podium, structure scénique. C'est-à-dire qu'ils peuvent nous fabriquer des sculptures. Vas-y, vas-y. On va voir, c'est lequel? Les accès scène. Ouais, ouais. Bon. Je parle. Il faudrait qu'il vienne habiller en druide. Quel bâtard. Okay. Et je veux une faucille et un marteau parce que mon père est communiste. Ah non. Tu dis pas ça. Ok, d'accord. Tu dis allez, pas d'accord. Ça. Mais nous, on va s'envoyer une musique, non? Non, bon, bah, non, c'est trop tard, ça s'appelle. Tu parles comment, Charles? Oui, excellent, bonjour. Oui, voilà, bonjour. Je vous appelle parce que voilà, j'organise une petite fête entre amis. C'est le Lugnuzad. Vous connaissez ou pas? Pas du tout, mais je vous écoute. C'est une fête celte. Voilà, donc vous pouvez organiser des trucs se rapportant au druide et tout, parce qu'en fait on aimerait bien. Est-ce que vous avez des danseurs vous? Non, j'ai pas de danseurs. Ah, vous avez ni des danseuses alors, je suppose. Ni des danseuses. Ah ben voilà, est-ce que elle pourrait s'habiller en druide avec une perruque de barbe blanche? Ce serait joli ça. Ah bah ouais, ce serait pas mal, ouais. Ah ouais. Bah ouais, si elles peuvent, ouais. Ouais, ouais. Faire, ouais, tourner sur la tête, ouais. mais seulement la barbe elle va se retourner, non? Ah oui, là oui. Eh ouais. Et ouais. Bah, il faut les mettre en pantalon, hein. Parce que là... Ah bah non, moi je veux. Non, c'est plus sexy. Moi je voulais maillot de bain, moi. Ouais, sinon, je sais pas, on peut les faire boire aussi avant, un petit peu. Voilà, ouais. Ouais, ça va. Oh, vous avez des idées super, monsieur. Ensuite, il faudrait. Lugnuzad, monsieur. Ah, Lugnuzad, oui. Lugnuzad. Ah oui, d'accord. Voilà. Et vous l'organisez à quel moment, alors? Comment? Ben, on comptait organiser ça le 30... Du 30 au 1er avril, comme voilà. Le veut la fête, hein. Ah oui, voilà. Bah, écoutez, je me joindrai volontiers à votre devis, hein. Ah bah oui, et vous marchez comment? Vous nous faites un devis, en fait? Oui, je peux faire un devis, ouais. Voilà, ah, ok. Donc, on récapitule. Druide, fille, druide qui tourne sur la tête. Ouais. Ensuite. Ah non, non, non, moi non, je non, veux pas les pantalons. Monsieur. Moi je vous prends pas le devis si c'est en pantalon. Hein. Des maillots, voilà. Non, en maillot de bain, voilà. En maillot de bain, voilà. Très bien, le maillot de ensuite, bain. Ensuite, il me faudrait la musique celte. Ah oui, ça. Justine, vous connaissez Astérix? Oui. Mon Dieu, monsieur, vous ne connaissez pas l'Uniazad? Vous avez que ça à faire. Oui, bah oui, on a que ça à faire. Hein? Bah oui, on a que ça à faire. Donc, de la musique celte. Ouais. Genre, je sais pas, du rap c'est celte. Un lieu qui me gêne. Vous pouvez m'indiquer quel lieu on pourra utiliser là pour... Oui, la salle latino à Montolivet. Voilà, et donc il nous faudrait du rap celte ensuite comme musique. D'accord. Bon. Voilà. Ouais. N'oubliez pas les druides, hein. Non, j'oublie pas. Voilà. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Ah, on a des druides déjà. On a des druides en maillot de bain. Donc, on va s'envoyer une musique là, et puis on se retrouve après. On va essayer de se gagner du rap celte. On va chercher des chanteurs rap celte, et on va essayer de diviser leur album. Donc là, on se passe quoi? On se passe. On va se passer un petit truc bien là. Comment ça s'appelle celui des Black Eyed Peas? One Tribe, bien. One Tribe des Black Eyed Peas, on se retrouve juste après ça. One Tribe des Black Eyed Peas, on se retrouve juste après ça avec des danseuses druides. One tribe, one time, one planet, one race. It's all one blood, don't care about your face. Color of your eye or the tone of your skin. Don't care where you are, don't care where you been. Cause where we gon' go is where we wanna be. The place where the native language is unity. And the continent is called Pangea. And the main ideas are connected like a sphere. No propaganda to try to upper hand us. Cause man, I'm loving this. Peace. Man, I'm loving this. Peace. Man, I'm loving this. Peace. I don't need no leader that's gonna force feed her. Concept to make me think I need her. Fear my brother and fear my sister and shoot my neighbor with my big missile. If I had an enemy, enemy. If I had an enemy, enemy. If I had an enemy, then my enemy's gonna try to come and kill me. Cause I'm his enemy. There's one tribe, y'all. One tribe, y'all. One tribe, y'all. We are one people. Let's catch amnesia. Forget about all that evil. Forget about all that evil. That evil that they feed you. Let's cast amnesia. Forget about all that evil. That evil that they feed you. Remember that we want people. We all want people. Want people. Want people. Want people. One tribe, one tribe, one tribe, one kind, one planet, one race, one love, one people, one. Too many things that's causing one. To forget about the main cause, connect and uniting. But the evil is seeding and alive in us, so our weapons are colliding and our peace is sinking like Poseidon. But we know that the one, the evil one's threatened by the sun, so we come and try to separate the sun. But he dumb, he didn't know we had a war to overcome. Rejuvenate by the beating of the drum, come together by the cycle of the hum. In freedom, when all become one, forever. One tribe, y'all. One tribe, y'all. One tribe, y'all. We all one people. Let's catch amnesia. Forget about all that evil. Forget about all that evil. That evil that they feed you. Let's catch amnesia. Forget about all that evil. That evil that they feed you. Remember that we one people. We all one people. One people. One people. One people. One love, one blood, one people. One heart, one beat, we equal. Connected like the internet, united, that's how we do. Let's break walls so we see through. Let love and peace lead you. We could overcome the complication, cause we need to. help each other make these changes. Brother, sister, rearrange this way of thinking that we can change this bad condition. Break, use your mind and not your greed. Let's connect and then proceed. This is something I believe. We are one, we're all just people. One tribe, y'all. One tribe, y'all. One tribe, y'all. We are one people. Let's cast amnesia. Forget about all that evil. Forget about all that evil. That evil that they feed you. Let's cast amnesia. Let's cast amnesia. Forget about all that evil. That evil that they feed you. One tribe, y'all. We one tribe, y'all. One people. One people. One people, one people, one people, one people. Let's cast amnesia. Lord, help me out, trying to figure out what it's all about. What it's all about. Cause we're one in the same. Same joy, same pain. And I hope that you're there when I need ya. Cause maybe we need amnesia. And I don't wanna sound like a preacher, but we need to be one. One world, one love, one passion. One tribe, one understanding. Cause you and me can become one. There is no longer a physical record store, but we will continue to let the beat rock. De retour, on est là, on retourne. Donc on va faire un petit saut d'un autre côté en attendant de retourner chercher des partenaires pour notre super fête. On aurait pu chercher des partenaires pour une partouze aussi. Ouais, c'est ouais. Vrai. On pourrait faire genre, nous organisons un rituel religieux, un truc comme ça. Ou, ouais. Putain, non mais là, ça serait... Plus de 30 hommes et de 30 femmes. Donc on sait ce qu'on va s'écouter après, donc ça sera Break Your Heart de... Tayo Cruz, le frère de Penelope. Ouais, putain. Et là, nous allons faire quelque chose de très bizarre, nous allons faire... Bien sûr, je vois tellement. Les deux. Nous allons faire le Kama Sutra. Donc là, vous allez me demander ce qu'on fait et nous allons mimer les positions qu'on a trouvées sur le site. Alors attendez, d'abord on va voir dans la machine à plaisir, en fait c'est une machine qui apparemment qui est faite pour trouver nos positions. Alors on a mis acrobatique, aventurier et à la maison. Voilà. En style, on a le choix entre confort, c'est Logan et Cusco qui vont voir l'affaire. Et acrobatique. Pour qui old school? Old school, il doit y avoir que old school, c'est le missionnaire, le vrai, le vieux truc de merde. Ouais. Romantique, joueur, femme de merde. Ouais, enfin, c'est les basiques. C'est des trucs classiques, des trucs que nouveaux, on pourrait pas le faire. Et on ira ensuite retourner faire les canulars. Ouais. Pour aller chercher. 30 femmes, parce qu'on a déjà les 30 hommes pour la partouze. Non. Mais si on en vaut 10 chacun. On dit qu'on veut les partouze. C'est ça, vous voulez? Ouais. Ou on fait le truc celtique là? Non, le truc celtique, ça va saouler. Bon d'accord. On fait un partouze là. Non parce que partouze c'est trop simple en fait. On va chercher une fête bien chiante pendant qu'on écoutera Tayo Cruz et puis après on se retrouvera. Ah ouais. Dès qu'ils entendent quand ça crie depuis tout à l'heure. Et ouais. Ça doit être chiant. Parce que vous avez la foi vous mes chers auditeurs. Yeah motherfucker. Donc est-ce que la page Kama Sutra a chargé? Ça marche pas. Et ça marche pas. Putain c'est chiant. Attends parce qu'il doit y avoir trop d'onglets ouverts en fait c'est ça. Ouais enlève-moi ce... Préparez-vous, mettez-vous sur le truc. Ouais, on va sur le lit. Non, pas sur le lit, non. Pas sur le lit, on va à côté, là. Comme ça, vous baisez bien sur le sol, bien dur. Tiens, j'allais vous baiser le genou. Je vais rentrer chez moi, je vais boiter. Une erreur a été détectée. Nos auditeurs. Oh merde, ça marche pas ton site. Oh merde. Bah alors, on fait quoi? On fait l'autre? Ouais, c'est pas grave. Non, là, c'est bon, ça marche. J'espère. Acrobatique, aventurier, à la maison. Les écouteurs là, ils sont là. Les écouteurs sont là. C'est bon, ça marche. Alors, on va commencer par la tige. La tige. Oh putain. Vous allez galérer. Non, attends. Mettez-vous en place. Donc, d'abord, je vous. Oh, c'est toi la fille, hein. Non, c'est le gars la fille. Attends, vas-y, attends. Non, c'est simple. Non, je vais vous mettre un truc dans ma main. Celui qui trouve, c'est la fille. Celui qui trouve pas, c'est le mec. Non, c'est l'inverse. Tiens. Prépare-toi à t'y ressauter. Non, c'est la fille. Non, il a dit. Non. Bon, alors attends, je le refais alors. Alors, celui qui trouve, c'est quoi? C'est le mec. Ok. Bon, voilà, je suis le mec, c'est bon, c'est fait. Allez, vas-y, trouve. Non, allez, trouvez, putain. Il y en a qui. C'est soit le mec. Alors, vas-y, alors. Ben, d'abord, genre, écoute, je vais faire mon allongez-vous pied. Sur le dos. Oh oui. Allongez-vous sur le dos. Non! Quoi? Ben oui, je me sens trop mal. Tu sens mal de quoi? Ah, mais de... Ah. De quoi? Allez, vas-y, faut faire quoi? Alors ensuite, lancez une jambe sur l'épaule de monsieur. Ah. Ben allez, lance ta jambe. Oh putain, faut être flex, hein. Ah, allez, rapproche ta bite. Alors, Swan, agenouillez-vous face à votre femme, jambes écartées. Ah. Écartez les jambes. Quand ses deux cheveux, quand ses deux chevilles reposent sur vos épaules, soutenez-la par les fesses ou par les hanches. Non, si. Et venez coller. Attends. Et venez coller votre bassin au sien. Allez. Allez, c'est à moi de le faire là. Non, moi je continue, moi je vais être au moins. Bah alors vas-y, moi je fais la meuf alors. Trouve-nous une autre, Logan. Trouve-en une ou elle m'en fout bien, fille. C'est moi la fille? Ouais, va te faire soudainiser. C'est toi qui as dit je suis la meuf? J'ai dit ça non? Ouais, va te faire foutre. Non, pas le singe. Tu vois? La sole. Attends. Non, le roseau. Non. La jetée arrière. Le petit pont. La chaise magique. Oh putain, la bourrée thaïlandaise. La bourrée thaïlandaise. Va te faire foutre, je vais manger moi. Non, ça y est. Alors en fait, c'est un poirier et moi je me dis, oui, d'accord, ok, bon. Alors. Bon, d'accord, vas-y. Mais je vais me péter la gueule. Alors la meuf, faites l'équilibre contre un mur, main au sol, bras tendus, puis rabattez vos pieds sur les épaules de votre amant. Jambes tendues, vous devez vous faire face. Mais non, parce que moi je sais pas faire le poirier. Moi non plus, hein. Bon, on change alors. Ouais, vas-y, trouve-moi. Ta mère, elle va rentrer, elle va nous voir. Mais c'est pas grave. On expliquera, voilà. Ouais, on rentre pas tout de suite. Hein. Allez, on rentre à 20h. L'arbre défendu. Allez, l'arbre défendu. Non, mais non, je l'habite. C'est vite fait. Ah, bah oui, c'est très bien ça. Va te faire foutre. Allez, les gars. La bête a deux têtes. Le cavalier à la barre. Non, attends, le charmeur de serpent, c'était quoi? Fais B, le charmeur de serpent. B sur l'ordinateur. Si tu veux. Ouais, j'ai cru sur l'Xbox. Ah! Non, c'est nul. Vas-y, descends. En fout, vous faites le cavalier à la barre. Voilà, moi je veux les jambes à son cou. C'est celui qui a fait la meuf qui choisit. Bah, alors c'est toi qui fais la meuf parce que tu viens de faire le mec. Non, moi je viens de faire la meuf. C'est moi qui viens de faire la meuf. Bon, alors c'est toi qui choisiras après. Non, moi je suis l'homme. Ouais, mais toi après tu choisiras une position. Bon, vous savez quoi? Non, c'est moi l'homme, on fait chacun. Ok. Alors, la fille, allongée sur le dos, repliez une jambe et étendez l'autre. Ah oui. Ça veut dire quoi ça? Ah, ça veut dire comme ça? Quand le cavalier s'approchera, levez la jambe. Quand le cavalier s'approchera. Levez la jambe et faites grimper vos fesses. Coquard. Et faites grimper vos fesses sur ses cuisses. Oh putain, fais grimper ta fesse. Alors, le mec, à genoux, fesses sur les talons. Installez-vous à cheval sur la cuisse de votre amant. Sur la cuisse. Comme ça. Comme celle-là, voilà. À genoux. Ah, voilà. Ah. Étalez ta jambe. Ah oui. Saisissez son autre jambe, attirez votre partenaire contre vous. Salut, comme c'est horrible. Voilà. Ah. Voilà. Ah. Voilà. Ah. Voilà. Ah. Voilà. Ah, c'est magnifique. Lève-toi. Ah, Darius qui se fait enculer. Alors, on prend pas de moto. C'est magnifique. Voilà. Magnifique. J'ai enculé Darius. Va te faire foutre. Ah, ça fait mal. Allez. Maintenant, Darius, on doit le faire tous les deux. Allez, c'est moi qui choisis. C'est moi le mec. C'est moi qui choisis. J'ai mis la main pour quand même. J'ai mis la main. Bon, alors, Darius, j'ai enculé à. Tu sais, il y a autre chose qu'acrobatique, non? Non, si, tu vas voir. Le charmeur de serpent, ça a l'air bien chiant. Non, moi, j'en avais trouvé un, il était pas mal. Ça a l'air bien chiant. Les jambes à son cou. La lionne. Non, c'est de la merde, les jambes à son cou. Regarde, le charmeur de serpent, il a l'air si. Non, c'est moi qui suis. Mec, c'est un gros. En fait, il fait pour de vrai, lui. Le charmeur de serpent. Non, pas le marteau piqueur. Le lotus remercié. Non, c'est nul, c'est trop basique ça. Mais arrête! C'est trop basique! Bon, allez, on. Attends, je regarde, c'est pas. Oh là là. Ok, Swan, c'est la fille. Ouais, Logan, c'est la fille. Ouais. Je vais allumer des bougies. Attends, tu vas crever. Bon, Swan, alors. Logan, allongez-vous sur le dos et croisez les jambes. En lotus. Ne me demande pas ce que ça veut dire. C'est le tailleur lotus. Ouais, voilà. Moi, j'ai rien que je vous comme ça. Non, pas maintenant. On sait qu'il y a faim. Ah non, j'ai envie là. Alors, allongez-vous sur le dos et croisez les. Ou simplement en tailleur, ou encore pas du tout. Non, en tailleur. Vous soulèverez ensuite le bassin en faisant porter votre poids. Sur le dos, il a les jambes en tailleur. Et là, je le pèse. Allez, vas-y. Et vous soulèverez ensuite le dos en reposant votre poids sur les épaules et le cou. Hein. Lui, attends, lui, à genoux, oh, à genoux, soulevez les fesses de votre amant. Oh putain, putain. Attends. Et bloquez-les avec votre bassin. D'une main, vous la maintiendrez, ses jambes pliées, et l'autre viendra se poser à côté de sa tête. Ça, avant de le faire, bah les oui. gens qui niquent, bah, ils font de la peine. Tu verras. C'est bon, coup de bassin. Oh. C'est bon, c'est bon. Non, non, non, avec cette main-là, tu viens la mettre derrière. Allez, vas-y. Oh. Oh oui. Oh oui, les mecs. Non, tu vas morfler, je vais en choisir une, tu vas en chier, mon vieux. Ça y est, c'est fini. Non, tu as pris des photos. J'ai une vidéo. Et je l'enregistre pas. C'est rien, c'est fini. Hein. C'est fini de quoi? On en refait encore? Ah bah non, c'est bon, on a fait un tour complet. Voilà. Oh putain, j'en ai. Oh, c'est tout? Bon, on en refait un, ouais, on refait un tour. Non, ça me plaît non, pas. Non, non, non, on refait un tour. Bah, si, c'est marrant. Si, on refait un tour et vous faites le charmeur de serpent. Oh putain. Vous allez en chier. Hein. Alors, le truc, c'est comment avoir du sexe entre deux contorsionnistes. Enlève tes chaussures, Cusco. Hein? Cusco, enlève tes chaussures avant de monter sur le tapis magique où tout se passe. Les tapis. Bravo à l'illustrateur qui se donne un peu quand même. Alors voilà une variante redressée de la position du Rousseau, mais aussi charmeur et charmante que vous soyez. Messieurs, vous allez rendre vite compte qu'on hypnotise moins facilement une cuisse en apesanteur qu'un serpent de liberté. En liberté. Ouh. Eh bien, vous allez en chier. Alors, attention, c'est parti. Putain, c'est moi qui vont chier. Ouais, toi tu es la meuf, toi là. Ah ouais, égalité, comme toi tu es la meuf. Bah alors, dans ce cas-là, on fait un tour. Hein. Ouais. Allongez-vous sur le dos, jambes écartées et repliées. Comme quand tu allais, comme si tu allais accoucher. Ah. Non, allonge-toi sur le dos. Allonge-toi sur le dos. Oh, vous devriez pas voir les images que vous allez faire. Alors, le mec se dresse sur les genoux. Placez-vous entre les cuisses de votre serpente préférée. C'est Cusco. Cusco, sa serpente préférée. Alors, appuyez-vous sur un pied. Ça, c'est Cusco, ça. Appuyez-vous sur un pied pour soulever le bassin et dresser l'autre jambe à la verticale. Oh oui. Non, non, non, non, non. Il faut que tu t'appuies sur une main. Oh merde. Comme image. Appuie-toi sur les mains. Ah, okay, ouais, sur une main. Tu l'as pas vu l'image, la fille. Non, voir l'image. Non, ça y est, c'est bon, j'ai vu. Vas-y. Mais non. Il y en a une sur son épaule. L'autre main. Mais non, tu es con, toi, tu inverses. C'est sûr, tu vas te péter la gueule. Ouais, ouais. L'autre main. Allez. Et mais la jambe. Oh. Ensuite, laissez place à la tentation. Non, la gueule. Oh. Ah, voilà. Faut qu'elle soit baraquée. Oh, le mec et la meuf, faut que tu sois baraquée. C'est des acrobates. Wow. C'est qui commente là? Là, bah, c'est qui a fait la meuf? C'est moi. Bon, bah, c'est. Allez, tu en choisis ça ou je sodomise bien, ok? Non, c'est toi qui fais là. C'est toi qui choisis. Toi, tu choisis la position. Mais non, c'est toi qui choisis. Ouais, c'est toi qui choisis. Bah, tu moi, j'ai déjà commenté tout à l'heure. Mais là, on refait. On refait, voilà. Voilà, donc c'est à toi. Bah oui, mais c'est. Non, mais bon, c'est d'accord, vas-y, tout à l'heure, vas-y, moi. Ouais, mon dieu, qu'est-ce que j'ai dit? Vous avez entendu? Ah, ça y est, là. Alors, sodomise-moi, c'est oh, ça. Le nœud coulant, il a l'air bien chiant. Vous allez en gier, okay, les gars. Non, mais ça, je vais pas bien sodomiser, là. Oh, tu vas pas me sodomiser, connard. Si, si. Sinon, ça va se retrouver devant le tribunal, oh, cette histoire. Oh putain, bah alors là. Alors, là, la meuf. Le mec est autant en galère que la femme. La meuf, assise en tailleur, grâce à votre amant, passez l'une de vos jambes par-dessus la sienne. Et l'autre jambe en dessous de la sienne, en miroir. Allez, vas-y, arrête de rigoler. Oh mon dieu. Alors le mec, oh, putain, le mec qui doit t'asseoir en tailleur. Ah, ça fait super mal, oh. Ouais, voilà, ça y est. Après l'autre aussi. Alors le mec, asseyez-vous en tailleur face à votre amante. Emmêlez vos jambes comme déjà expliqué, tenez-vous les deux mains. Il n'y a pas de contact au niveau vaginal, orthogonal. Alors vas-y, c'est bon, je suis prêt, je me la copie. Hein. Rapprochez vos bassins et agrippez-vous les mains. Rapprochez vos bassins. Ah, il y avait une chaise. Eh oui, oh, une grosse chaise et Cusco s'est niqué la main. Ah putain, arrête. C'est le cas de le dire, c'est niqué. Ah, on tombe. Ah merci. C'est bon. C'est bon, on peut se la donner? Ouais. Ouais. Ah, tu me tiens les cheveux, bâtard. Ah, ouais, mais ça c'est dans notre trip ça. Bon, moi j'ai fait deux fois moi. De quoi la fille? Ah non, j'en ai fait. Moi ça va faire le mec là. Ouais. Ah, il va marcher sur ma queue. Putain, je vais pouvoir faire à la fille. Ah, j'ai vu, t'as le barreau. Ta gueule, j'ai pas le barreau. Putain. Ah, j'ai fait le poirien. Le poirien. Oh, j'ai pas le barreau. Le poirier indien. Non, Non, non, je fais pas de poirier. Si, mais c'est pas un poirier trop cher. Ah, c'est une espèce de brouette. Ça, ouais. Mais non, à partir de la position de la brouette, relevez encore le bassin. Allez, vas-y. Allez, vous la donnez. Non, c'est toi là. Non, c'est toi qui fais le mec. C'est toi qui fais la femme. Non, c'est moi qui fais la. Ah, bah, c'est moi qui fais le mec. Eh ouais. Oh, ah, je vais pas battre. Non, non, non, mais ça, c'est... là, ça doit être moi qui choisis. J'ai pas choisi ça, moi. Je vais choisir un ou c'est Swan qui encule. Ouais, c'est Logan qui encule. C'est difficile quand même, hein. Ça veut dire la femme, elle encule. Putain, le nœud coulant, c'est de la merde. Et là, c'est acrobatique, hein. Il y en a toute une autre. Toute une autre gamme. Très très très très très. Reste dans l'acrobatique, mais fait avec un lit, non? Attends. À la maison, ça. J'ai pris à la maison. La super simulation. Oh oui. On va te faire foutre. Alors, la variation en tête bêchée, ça a l'air chiant. Mais non, mais toi, tu. Ouais, d'ailleurs. Non, non, le bâtard. Non, mais attends, attends. Ça a l'air. Oh putain, je vais morfler. Tu vas me sucer. Là, là, là. Là, là, je vais morfler. Là, soit. Darius, il prend plaisir, là. Ouais, là, là en fait c'est quoi? C'est genre un poirier mais à l'envers en fait. Tape cul. Oh bah voilà, là, là ils prennent autant les deux. L'artilleur, c'est vraiment l'artilleur. Là faut que je le porte, faut que je le porte, ça va finir. Mais c'était bien le truc là plus haut. Voilà ça, la variation en tête blèche. Non, ça c'est bien. Moi je joue ça, ça. Moi je joue ça. Ça va, on se croirait dans les magasins de jouets et le petit dit. Moi je veux ça. C'est exactement ça. Oh, allez, je prends ça. Moi. Je veux la super stimulante. Vas-y. Je veux la super stimulante. Alors, à vous de jouer. Alors, elle. Allongé sur le dos, basculez vers l'arrière en vous appuyant sur les bras. Comme vous viendrez poser vos fesses sur les cuisses de monsieur et vos pieds sur son torse. Non, voilà. Le bazar, il va se poser des questions. Tu regardes juste devant la fenêtre. Hein. Mais toi, genoux, toi. Non, je vais pas aller sur haut, moi. Aïe, aïe, aïe. Il y a un fil. Voilà, il est là, ça me dit. Ah, bon. Mets-toi genou. Oh, d'ailleurs, mets-toi genou. Ah, ah, c'est dégueulasse. Allez, ah, et toi, tu mets tes mains comme ça. Wesh. Et là, tu te soulèves et chiens. Pourquoi j'ai le pied à côté de la gueule, moi? Ah, ah oh, oui, vas-y. Ah, c'est dégueulasse. Oh, oui. Ah, c'est dégueulasse. Ah, oui. Ah, oh, excuse-moi. Ça y est. Allez, vous faire un tour. Bah, c'est bon, on a refait un tour complet, non, là? Non, non, non. Il reste qui? On finit, là, ça y est. Il reste qui? Bah, plus rien. C'est bon, voilà. Ah, non, non, j'ai dit voilà, on a refait un court coup. Okay. Et là, on s'écoute ta musique, c'était quoi? Tayo Cruz. Tayo Cruz, Break Your Heart. On se retrouve après pour organiser une. Comment ça s'appelait cette fête? Le Lagnosis. On dirait le nom d'une maladie. Ouais, on se retrouve après Tayo Cruz, Break Your Heart. And I know commas. L'émission Cusco est parti, hélas. Et là, ouais, Cusco a dû nous quitter encore une fois. Il est chiant avec son emploi du temps. Là. Quoi, tout le temps, merde, quelque chose. Merde, bâtard. On va essayer d'organiser une fête un peu particulière. Puisque voilà nos demandes. Alors, déjà, on voudrait une fontaine au milieu du truc. Ah, ouais, ouais. Nouveauté. Ensuite, on voudrait en fait, on voudrait recréer le thème de la ferme. En fait, il faudrait des cochons. Des cochons, je peux voilà. Très bien faire le cochon si tu veux. Donc alors je vais retourner sur page jaune parce que je viens de fermer la page. Donc le mieux ce serait qu'on ait des cochons. Des cochons, donc des porcs. Ouais voilà, des ralouf. Des chèvres. Des chèvres. Et un gars qui se déguisera en fermier. C'est parfait. On est prêt à payer. Je suis prêt à payer très cher. Attends. Martigues. Cherche tueur à gage. Ouais c'est ça, ouais, c'est aux pages jaunes. Gros blanc. On va chercher Marseille déjà. Non, je suis une merde moi. Quoi qui, Martigue. Organisation. Martine Rizzo. Organisation. Fête. Paris. Non, Lyon, allez. Avec deux petits points au début qui n'étaient pas volontaires du tout. Bon, c'est bon, ça va. Traiteur et organisation de réception, animation artistique, entrepreneur et producteur de spectacle, location de salle, sonorisation. Allons-y, lançons-nous. Mon grand ami. Allez, c'est parti. Donc on appelle quoi tous les deux et on dit que c'est pour notre patron aussi ou pas? Pour un ami. Pour un ami? Ouais. J'appelle qui? Animagic. Animagic. It's a kind of magic. It's a kind of magic. Ah, tu parles dans tes chansons. It's a kind of magic. It's a kind of magic. Alors qu'est-ce qu'on va s'écouter après? Ah, ça appelle, on verra ça. Ça appelle. On verra ça tout à l'heure. De la ballonne. Oui, allô. Oui, voilà, bonjour, je suis bien chez Animagic. Oui. Voilà, donc je voulais savoir, parce que j'organise une fête pour un ami, et voilà, en fait, le thème principal, ce serait la ferme. La ferme. Voilà, la ferme. Donc, il nous faudrait des cochons, des chèvres. Et quelqu'un qui serait bien en fermier. Voilà, ce serait l'idéal. Allô. Une seconde, j'ai une autre ligne. Vous notez, là? Non, il y a une autre ligne. Oui, voilà, vous êtes toujours là? Oui, excusez-moi. Voilà, donc en fait, le thème principal, ce serait la ferme, donc il nous faudrait du foin, enfin tout ce qui va avec la ferme en fait. Oui, bah, allez au salon de l'agriculture. Bah non, monsieur, c'est une fête que je veux faire. Mais non, c'est une fête, c'est pas un rendez-vous. Monsieur, vous organisez des fêtes? Moi, je suis DJ, hein, donc. Il est DJ. Vous avez bien entendu ça, il est DJ. Je suis DJ, moi. Moi, je suis DJ. Je suis DJ. Putain, mais quel bâtard, on lui parle poliment et tout, et il nous dit allô au salon d'agriculture. Il va te faire foutre. Je suis DJ. C'est qui, DJ? Non, DJ, pardon, je m'appelle Didier. On fait enchanté. Faites enchanté. Voilà. C'est trop pour enfants, donc. Donc on voudrait des beats. Ah, le thème principal, ce serait le sexe. Allez, vas-y, on essaie de faire ça. Allez, ça va. Magie, marionnette, le sexe. Des hommes déguisés en pénis. Oh, occupé. Bar américain. Non, mais là, on n'est pas allé chercher dans le bon truc, en fait. Je suis DJ. Je suis DJ. Quelle merde. Déjà, on lui parle gentiment et tout. Oui, allô, salon d'agriculture. Ouais, bah, faire foutre, gros connard. Ta gueule, bâtard. C'est qui, c'est genre le mec, il aide les gens. Moi, je suis DJ. Je suis un DJ. Quelle merde, mon dieu. Je suis mixeur, entre guillemets. Je mixe, je... Non, là, t'es chez les traiteurs, ambiance et ça. Je scratch, comme tu dirais. Je suis un peu un scratcheur. Je suis un mixeur. Ouais, un scratcheur, mixeur, DJ. Oh, j'essaie de parler comme ça. Tu vas galérer. Est-ce que vous êtes DJ? Scratcheur, mixeur. Je suis bien chez ambiance et saveur. C'est ça? Ouais. Mais non, c'est de la bouffe, ça, non? Faut pas de direction. Là, c'est ça? Ah, mais merde. Bienvenue chez ambiance et saveur. Le traiteur avait annoncé sur lui. Bon, déjà, c'est la messagerie, donc on est bien baisé. Faudrait qu'on appelle un DJ. Je suis Didi. Écoutez, monsieur, moi je suis Didi. Non, mais. Là, t'es que. Ouais, je sais pas ce que c'est de la bouffe ça. Ah, mais je suis voir traiteur moi aussi, je suis con. Animation artistique, location de salle et organisation de fêtes enfantines. Faudrait des bits, tu vois. Voilà, donc le thème c'est le grand méchant loup. Il faudrait, donc, qu'il, frappe... Le petit chapeau il faudrait qu'il frappe les enfants, ce serait l'idéal. Non, mais il, par contre, je veux pas qu'il y aille mollo, hein, il faudra frapper fort. Hein. Ah non, viens, on appelle un mec et on demande. Parce que les enfants, ils auront des battes de baseball, ils vont frapper. Allez, on fait ça. Ah non, c'est plus des trucs pour enfants là. Franck Sono, 10 ans d'expérience. DJ. Je suis DJ. Écoutez, moi, je suis DJ. Attends, non, putain, mais je trouve pas le truc pour enfants. Tout à l'heure, il y avait un truc pour enfants, c'était marrant. Voilà. Trop stylé cette nouvelle signature. T'as fait une nouvelle signature. Oui. Bon. Au fait. Clown Patchouli. C'est pas galéré pour le dire. Je suis bien chez Clown Patchouli. Oui. Non mais le mec quand tu veux te. Déjà ouais, alors Clown Patchouli. Bon, organisation de fête. Oui. Organisation de fête. Fino le clown aussi après on essaie de se faire. Je fais salut Fino le clown. Tu as été très coquin. La dernière fois, oulala, oulala. Oh, ça s'appelle Clown Patchouli. Comment on dit un mec, un enfant qui est hyperactif? Ce que je veux dire qu'il est hyperactif. Hyperactif. Allô, bonjour. Oui, voilà, je suis bien chez Clown Patchouli. Oui, bonjour. Voilà, alors j'organise une fête pour mon fils, son anniversaire, oui. le 20 mars. Et voilà, je voulais savoir, c'est-à-dire que mon fils est hyperactif. Oui, et sinon, quel autre jour vous seriez disponible? Là, je suis prise tout le mois de... J'arrive jusqu'à début juin. Ah bon, d'accord, ok. Voilà. Vous êtes prise? Bon, on va appeler Fino le clown. Fino le clown. Déjà, ça fait pervers un peu le truc. Fino le clown, franchement... Ah. J'ai des lunettes rondes. J'aime les filles âgées de 4 ans environ. Alors, t'as été vilain? C'est à Lyon. Bon, il décroche Fino là. Fino! Ami Fino. Attends, on appelle Fino le clown, il est pas là. On rappelle Clown Patchouli. Oui, mais il n'est pas là. Max Aventure. Après, on appelle Max Aventure, sinon. Non, mais laisse tomber. Fino, laisse tomber. Quel bâtard, ce Fino. Bon, allez, derrière. Quel qu'on connaît, ouais, Fino, arrête. Quel connard, ce Fino. 72. On appelle Max Aventure. Putain, il faut trop qu'on essaie de s'organiser une fête. Que ce soit tout prêt et tout, et que nous, on vienne pas, finalement. J'ai raccroché, alors je voulais activer le haut-parleur. Ah bah tu fais rappeler. Haut-parleur activé, c'est bon. C'est un parc. Ah ouais. Bonjour. Oui voilà, bonjour. Alors j'organise l'anniversaire de mon fils. Excusez-moi, je vous entends pas. Voilà, bonjour madame, c'était pour organiser l'anniversaire de mon fils. Voilà, donc c'est un, il a un petit problème, il est hyperactif en fait. Madame? Madame? Son la bitch! Elle s'est dit, oh non, non, non, derrière on entend les enfants, ils font aaaah! C'est trop nul! On entend aaaah! Aaaah! Amen. Allez, location de salle. On loue une salle? Ouais, on loue une salle et on fait tout le matériel et tout. On est toujours à Lyon là depuis tout à l'heure en fait. Privatiser le yacht. Oh là là! À Lyon? Oui, bonjour monsieur, voilà, je vous appelle. Mais il y a la mer à Lyon? Apparemment. Oui, il y a la mer à Lyon. C'est au bord de la mer, Lyon, non? Non. Bah alors c'est dans une grosse piscine. C'est dans un lac. Le bateau volupté. Où sont donc les voluptés? Oh là là. Les yachts de Lyon, bonjour. Voilà, bonjour, j'appelle parce que j'organise une petite sauterie. Oui, le 18 mars, voilà. Alors, vous organisez une soirée le 18 mars, hein? Voilà, une petite sauterie, certes, certes. Le 18 mars? Le 18 mars, certes, certes. D'accord. Eh bien, écoutez, pour l'instant, et vous êtes monsieur? Oui, c'est monsieur. Monsieur comment? Monsieur Bernard. Monsieur Bernard? Allô? Oui? Exactement, voilà. D'accord. Eh bien, je vais vous mettre en relation avec Madame Neubert. Alors, elle vient de prendre une communication. Je lui ai demandé de vous recontacter. Je vais prendre un téléphone, s'il vous plaît. Non. Je suis Monsieur Bernard. J'organise une petite sauterie. Tuff Tuff Club. Je veux l'appeler juste pour m'entendre dire Tuff Tuff Club. Tuff Tuff Club, bonjour. Voilà, après on arrête parce que ça fait un peu beaucoup de canulars quand même. Ouais, après on arrête et puis on se quitte de toute façon. Ouais, après de toute façon on va devoir s'en aller. Get out of here. Dernier appel, dernier essai, dernière chance. Attends, je vais essayer de faire le mec riche un peu. Oh, connard. Allô ? Oui, bonjour, je suis bien chez Tuff Tuff Club. Ouais. Tuff Tuff Club ? Ouais. Voilà, bonjour monsieur. Alors en fait, j'organise. Alors j'organise une fête. Une petite sauterie, voilà. Donc on serait deux. Pardon ? Bah, teuf teuf. Ah, bah. C'est pas chiant. Bijoux, ah merde. Bon, on fait quoi? On essaie à nous le dernier ou non? Non. C'est dommage, on aurait pu clôturer avec un bien. On appelle avec mon téléphone. Allez, si tu veux. Changer. Il va dire, j'entends rien. Ton téléphone est nul. Ton téléphone est extrêmement nul. T'as parlé, oh, y a que lui qui se comprenait. Ouais, voilà, on va débouler louer une salle. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Le capitaine. Voilà, numéro à tarif spécial. On aurait dû dire ça, je m'appelle. Si Cusco avait été là pour le nom, il aurait dit Ludovic Damas. Ah oui. Donc deux allées des palades, hein. Numéro de téléphone, putain, c'est dommage qu'on ait pas son numéro de téléphone. Moi, ils vont pas m'entendre, hein. Voilà, c'était une petite musique espagnole qui vous était offerte par le centre d'affaires AAB. AZ. Ça fait plaisir. AAZ, voilà. Allez, dernière essai. Ah, ça pue, t'as pété. Non, tu mens. Tu mens. Mytho, c'est toi. Tu mens. Ah, tu pues. Tu mens, espèce de mytho, hein, j'ai pas pété. Mon chien est pas là. Mais c'est toi alors. Non, on va te faire foutre. Ça pue. Va te faire foutre. Tu t'étouffes dans tes propres faits. P. Ah non, c'est pas moi, ça pue. Ou alors c'est un ancien pays de Cusco. Qui ressort maintenant. C'est possible, c'est possible. Spectacle de magie, close-up. Pourquoi j'ai plus de fond d'écran? Qu'est-ce qui m'est arrivé? On me l'a volé. Un parti. Yes, 31 dièse, toujours. Très important. pas qu'on nous rappelle après. Une petite sauterie. Mec, au début, il a fait hein, quoi? On a organisé une fête. Voilà, certes, certes. Une fête, une fête. Je parlais comme ça on m'entend bien. Bonjour. Voilà, bonjour madame, c'était parce que j'organisais une petite sauterie. Pardon? J'organisais une petite sauterie. Très mal. Allô? Allô? Attendez, attendez. Allô? Vous m'entendez mieux là? Allô? Allô? Allô? Allô? Allô? Allô? Allô? Allô? Allô? Allô? Allô? Allô? Allô? Allô? Allô? Bon, c'est bon, ça n'a pas duré toute la nuit, va te faire foutre. Voilà, donc c'était ces petits allos qui nous ont bien fait sauter de joie. Donc on n'a toujours pas réussi à organiser notre fête. Logan vient d'aller pisser, je suis tout seul face à vous. Ça ne nous change pas, de toute façon, nous sommes très souvent tout seuls, vous et moi, ça arrive tout le temps. On se connaît depuis combien de temps, maintenant? 3 émissions. Et je vais appeler Jean-Paul Mondon. Je vais appeler tout seul, parce que je suis un fou. Et Logan arrivera en cours d'appel. Alors, je compose le numéro. Et ça va chier chez Jean-Paul Mondo. Non, pas Jean-Paul Belmondo. Mondo. Donc, ça appelle. Oui, monsieur Jean-Paul Mondo. Oui. Voilà, vous organisez des fêtes, n'est-ce pas? Non. Non, vous n'organisez pas de fêtes? Vous ne faites pas d'animation artistique? Je ne suis pas organisateur de fêtes. Ah bon? Vous faites quoi? Vous êtes DJ? Vous êtes DJ? Vous êtes DJ? Oui. Ah d'accord. Voilà, parce que j'ai organisé une petite fête avec mes amis. Ah, je suis là. Je suis en plein appel. Et lui, il en rentre. Oh, je suis là! J'étais en train d'appeler un mec, il m'a aussi dit je suis Didi. Au début, je suis arrivé, j'ai dit vous organisez des fêtes? Il dit non, non, pas du tout. Vous êtes quoi alors? Didi. Au début, je voulais dire je suis là, motherfucker. Je t'ai vu téléphoner, mais je me suis dit oh merde. Bon, ben finalement, on aura une partie de plus alors. Voilà, donc tu as tout niqué en fait. Ah, ben je suis désolé, fallait me le dire. Tu es rentré, tu avais ah, je suis là, motherfucker. Et lui, il était là et j'ai dû raccrocher. Mais on n'entend rien avec mon portable, putain, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Vas-y, je reprends le mien. Ouais, mais bon, ça a coûté du forfait en plus. Bon, on s'en fait encore un ou deux et après. Et après, on se quittera. Allez. Bon, déjà, on va s'écouter une musique. On va s'écouter. Qu'est-ce qu'on peut s'écouter? Carry Out de Timbaland et Justin Timberlake. À vous de juger. On se retrouve juste après ça. Ciao, ciao, les loups. Ciao, ciao. Believe in. Take it home, baby, let you keep me company. You give me some of you, I give you some of me. You look good, baby, must taste heavenly. I'm pretty sure that you got your own recipe. So pick it up, yeah, I like you. I just can't get enough, I gotta drive through. Cause it's me, you, you, me, me, you. All night, have it your way. For play, before I feed your appetite. Let me get my ticket, baby, let me get in line. I can tell the way you like it, baby, supersize. Hold on, you got yours, let me get mine. I ain't living to the eternal, but the clothes line, check it. Take my order, cause your body like a carry out. Let me walk into your body till you hear me out. Turn me on, my baby, don't you cut me out. Turn me on, my baby, don't you cut me out. Take my order, cause your body like a carry out. And let me walk into your body till it's lights out. Turn me on, my baby, don't you cut me out. Turn me on, my baby, don't you cut me out. Number one, I take two number threes. That's a whole lot of you and a side of me. Now is it full of myself to want you full of me? And if it's room for dessert, then I want a piece. Baby, get my order right, no errors. I'ma touch you in all the right areas. I can feed you, you can feed me. Girl, deliver that to me, come see me. Cause it's me, you, you, me, me. have it your way for play before I feed your appetite. Do you like it well done? Cause I do it well. Cause I'm well seasoned if you couldn't tell. Now let me walk into your body till you hear me out. Or turn me on, my baby, don't you cut me out. Say, take my order cause your body like a carry out. Let me walk into your body till you hear me out. Turn me on, my baby, don't you cut me out. Turn me on, my baby, don't you cut me out. Take my order cause your body like a carry out. And let me walk into your body till it's lights out. Turn me on, my baby, don't you cut me out. Turn me on, my baby, don't you cut me out. Cut me out. What's your name? What's your number? I'm glad I came. Can you take my order? What's your name? Girl, what's your number? I'm glad I came. Can you take my order? Come over here. What's your name? Come closer. What's your number? Over here. I'm glad I came. A little closer. Can you take my order? Come over here. What's your name? Come closer. What's your number? Over here. Glad I came. A little closer. Can you take my order? Take my order cause your body like a carry out. Let me walk into your body till you hear me out. Turn me on, my baby, don't you cut me out. Turn me on, my baby, don't you cut me out. Take my order cause your body like a carry out. And let me walk into your body till it's lights out. Turn me on, my baby, don't you cut me out. Turn me on, my baby, don't you cut me out. Take my order cause your body like a carry out. Let me walk into your till you hear me out. Turn me on, my baby, don't you cut me out. Turn me on, my baby, don't you cut me out. Take my order cause your body like a carry out. And let me walk into your body till it's lights out. Turn me on, my baby, don't you cut me out. Turn me on, my baby, don't you cut me out. Cut me out. Retour pour la dernière partie de l'émission. On va essayer de joindre des gens et on va essayer de s'organiser une fête. Ça serait bien si on pouvait réussir à s'organiser une fête. Ce serait pas mal, ce serait très marrant. Ça serait très marrant. Et puis, en fait, faudrait qu'on voit le mec surtout arriver. Ouais, ce serait marrant. Qu'on soit de loin, qu'on voit le mec arriver avec son camion et tout. Là. Bon, alors ils sont où, les gens? On le filmera. HM Production. HM Production. Je crois qu'on les a appelés en fait. En fait, on a appelé tellement de gens que... Ouais, on en a appelé plein. Et pourtant, tu as encore plein de sous sur ton forfait. Hein. C'est 10 euros, c'est équivaut à 30 minutes, 40 minutes. Hein. Autant. Autant. C'est de la bombe, mais... Non. Allez, ça appelle. On dit, on m'avait déjà appelé. On m'avait déjà appelé. Je lui dis... Pardon, moi j'ai que 20 euros et ça fait... Bonsoir. Oui, voilà, bonsoir. Je voulais organiser une fête. C'est ça? Je suis bien chez HM Production. Oui, tout à fait. Oui, pardon. Oui, monsieur. Oui, je... Ah, voilà, d'accord. En fait, je voulais organiser une fête. Donc, ça serait pour mon patron. Oui. Et le thème principal, ce serait l'équitation. Vous comprenez ou pas? L'équitation. L'équitation, voilà. Alors, il me faudrait des chevaux. Chevaux. 4, 5. 5 chevaux, sans problème. D'accord. Vous voulez vivre où, monsieur? Ce serait. Ah, je connais pas l'adresse là, j'ai pas l'adresse tout de suite. Je vais vous rappeler, je vais vous donner l'adresse. Bien sûr, y'a pas de problème. Merci beaucoup. De rien, je vous rappelle. Contre une salle à louer à Lyon. Ouais. Attends, faut pas que je le perde, donc je vais ouvrir une autre page. Putain, comme il est d'accord. C'est bizarre, des chevaux, 4 ou 5, pas de problème. Je peux avoir Dieu aussi, oui, il sera là. Pardon. Et Jésus, il sera en platine? Jésus sera en platine, monsieur. Jésus, mais c'est moi. Alors, salle à louer, c'est où? C'est dans quelle ville? Je sais même plus dans quelle ville on Lyon, est. Lyon. Lyon, on est toujours. Putain, mais alors, ils sont forts, Lyon. Ah ouais, Lyon, ils sont de. HM Production et DSL Production, ils ont la même image. Hein, donc, il y en a un qui va faire un procès et un autre. Donc, salle. Bah moi pour le moment je suis pour HM Production, tu vois. Ouais bah ouais. Ils arrivent à avoir les chevaux les bâtards. 4 ou 5, pas de problème hein, les autres là. Je crois qu'ils me foutaient de la gueule. Ou alors c'est qu'il est vraiment vraiment chaud. On peut pas louer des. C'est où les chats à louer? Non, salle de fête, tu marques. Salle de fête. Okay. Voilà. Attends, si j'arrive à organiser une fête avec des chevaux. À Lyon. Ah ouais, mais on pourra pas le voir alors. Ah merde. C'est à Lyon. C'est pas grave, on s'en fout. L'idée qu'il puisse y aller, ça me tue moi déjà. Avec ses 4 ou 5 chevaux. Oh mais ils sont où là? Hein, les chevaux, mais bon. Non, attends, il faut trouver organisation fête. Non, tu sais quoi, on invente un nom avec une rue imaginaire. Déjà, elle va galérer avec ses 4 chevaux à l'arrière pour trouver la salle. Oh ta gueule, hein. Attends. Organisation. Location de salle, parfait. Location de salle. Bon, allez, on s'en fout, on dit. 9 rue Antoine. 9 rue Antoine, ok. C'est la salle. Non, parce que j'y vais apparaître 9 rue Antoine en fait. Ouais, voilà, c'est la salle. Comment elle s'appelle, celle de Marseille? La salle Lopez, voilà. Il dit, ah non, je connais tout Lyon par cœur, il n'y a pas salle Lopez. Ah non, faut que je retrouve l'autre numéro. C'est celui-là, celui-là. Tu l'as? Oh putain de chère de couille. Lui, faut pas qu'on le lâche, lui. Hein. Ami, non. C'est quoi? 9 rue Antoine. 10 rue Antoine. Putain, on répond pas ou quoi là? Tu fous de ma gueule, gros. Gros. Croche merde. Wesh, wesh, wesh. Salut, les deux. Salut, le. C'est Nikos. Faudrait que tu me loues une salle. Le thème, c'est la Grèce. Je fais des kebabs. Oh, décroche, bâtard. Quel enculé. Oh, c'est foutu notre gueule, en fait, le bâtard. En fait, il est en train d'appeler les flics, là. Oh, putain. Tiens, je te rends ton téléphone. Bon, alors on fait quoi? Putain, on avait réussi à avoir un truc. Mais on essaie DSL, non? DSL Production. Allez. C'est pas qu'on vient d'appeler? Non, on vient d'appeler H&M. Ah ouais, H&M. H&M. Oh, les bâtards. Quoi? Mais t'as vu la même image. Non, mais H&M. Oh, ça va. C'est un peu les bâtards, quand même. Bon. Non, c'est H&M. H.M Production. Ouais, mais bon. Ah, alors j'appelle Klumachuli, je change de voix, je dis ça serait pour le 23 mars. Production. Jusqu'en juin, elle est complète. Putain, je suis pas sûr qu'on est au chômage. Quoi que. De temps en temps, il y a un jour, le président va appeler, il va dire alors, Klumachuli, c'est fermé, elle a fini. On peut louer la salle pour le concert de Carla Bruni. Comment ça, non? Bon, bougez pas, j'envoie les CRH. Restaurant Pied d'Enclat, bonsoir. Oui, voilà, bonjour, je vous appelle parce que j'aimerais organiser une petite fête. Voilà, donc en fait le thème principal, ce serait l'équitation. Oui. Voilà, donc il nous faudrait des chevaux, si ça serait possible. Éventuellement, ce serait pour quand, monsieur? Ce serait pour le 23 mai, pardon. Le 23 mai, et ça se situe où? Mais. Ça se situe le 10... Attendez, je regarde l'adresse parce que j'avais marqué sur un 10 rue Antoine Lumière. 10 rue Antoine Lumière. D'accord. Pour quelle entreprise ce serait, monsieur? Klump. Ce serait pour l'entreprise Clown Patchouli. D'accord. C'est super sympa. Par contre, ce qu'il faut, c'est passer nous voir pour nous verser un acompte. Quoi? Et on vous trouvera tout ce que vous voulez. Ah, d'accord. Bah, bien sûr. Ben, d'accord. On est les rois du spectacle, les rois du rire. Donc, on vous trouvera tout ce que vous voulez. Ah, ouais. Voilà. Il y aura un acompte de 5000 euros à verser. Ça vous va? Non, va te faire foutre. T'es trop con, tu l'as dit, va te faire foutre. Ouais, ben. Eh ben, il peut appeler les flics pour insulte. Mais non, va te faire foutre quoi? Tiens, lui, il m'a dit petit con à un moment donné, je crois. Hein. Je crois qu'il m'a dit petit con. À un moment donné, il m'a dit petit con. Donc, moi, je lui dis, va te faire foutre. Faudra un compte à 100 000 euros, c'est possible? Non, ta gueule. Non, mais il m'a dit petit con à un moment donné. Mais dit, on est le roi du rire, petit con, il a dit. Putain, quel bâtard. Tu peux pas rigoler un peu, gros connard de merde? Eh oui, le sens de l'humour! Surtout que là, il peut pas te rappeler, c'est fini, hein, pas avec les factures, que ça y est. Hein. Je crois pas qu'il va appeler les flics, ils vont, je crois qu'ils vont arriver, ils vont dire oui, c'est un mec qui m'a appelé, Et il m'a fait un canular. Ok, Fix, donc ça va faire. On va se quitter maintenant sur ces insultes. Donc ce sera la, c'est la dernière émission avant le voyage aux États-Unis. Voilà, donc on se donne rendez-vous. On rentre quand déjà? Ça sera en avril. Donc ce sera en avril. L'émission, ça serait milieu avril, fin avril. Donc vous avez longtemps à attendre. Cette émission a été diffusée, a été enregistrée le 17 mars 2010. Elle sera diffusée le 24 mars 2010. 24 ? 24. 7 plus 7, 24. Voilà. Donc, c'est bien. Donc l'actualité cinéma, vous avez entendu, est un peu périmée. Voilà. Elle est un peu morte. Okay. Quand vous l'écouterez. C'est pour ça qu'il ne faut plus parler d'actualité en fait. Voilà. Parce que si on enregistre une semaine après. Eh ben c'est pas grave, ça leur fait des. Ça leur fait de l'histoire. Allez, ciao. On va se quitter sur le mot du jour. Escalator. Allez, ciao les Sex. Deux. Ciao.